y'a ceux qui font l'effort, ceux qu'on décide de rester cloué. Difficile d'emmagasiner, ray avec le cerveau troué. Je vois que la France a peu résonné, mes sonars qui aiment faire résonner les armes. À part nous zoomer, ces connards bandent sur nos vies d'aloca. La vie n'est pas un cirque, pas un cirque, pas... car les crimes finissent toujours dans un cercueil. Et les mecs déboulent et ceux qui viennent de rafale et de liquide. Et de leur séquestration, je vois même des témoignages sur Wikipédia. Comme un coup de chlasse, un look kick. Comme ta daronne qui se fait braquer pour ta barbe de son Loki. Les bavures lors des perquises, peine de sûreté, cour d'assises. La Tessie trouve ça banal, alors c'est fou les casques qu'on assiste. Gros chiffre pour criminels et grossistes. Pour les gars sociaux du ghetto, ceux qui te soulèvent en 2-4-6. Chez nous les roses ont fané depuis des années, car le crime paie à semer des macabres. Et j'y vois pousser que des cimetières. C'est pour mes bougres reconnaissables à la dentition. 94-75, un accomplissement. La capitale du braquage, featuring le crime, pas dieu de grattage. On a tout misé dans la rime. D'autres font de la chimie pour en extraire la cocaïne. Pire encore de l'héroïne, de quoi t'exploser les narines. La capitale du braquage, featuring le crime, pas dieu de grattage. On a tout misé dans la rime. Ils sont loin d'imaginer qu'ici c'est chaud, mais rien qui parle. Tu veux voir du sang des tremeurs, viens faire un retour sur Paname. Y'a des gangs, des nettoyeurs qu'on choisit le crime photo comme travail. Des foulés qui laissent des cadavres, leur tchèque à Bratislava. Pour la monnaie, les gros bonnets distribuent, s'affrontent et s'abattent. Les plus vaillants se mettent en avant sous col à l'dos, qu'on les tabasse. On les tabasse, on les tabasse, on les tabasse, donc on les tabasse. Les passes à tabac, pète leur teport, mettez le tamas. C'est pour les ghettos violents qui initient les mômes au braquage. Les fameux qui se font warage dans les battes où y'a du plaquage. J'déboule cagoule, les gants, des canons sciés, bécane pétaille. Y'a qu'une robe qui sépare celle qui t'accuse de l'avocat. Ok, là c'est les mecs jouent à tes wares comme poto, mis à part. Si t'as pas les épaules, t'inquiète, on tue pas comme au placard. Chez nous y'a des mecs paro, des gueuflins dans les bacs à sable. Des gorilles, des gringalets qui te font zouker, mais comme cassave. C'est pour mes bougres reconnaissables à la dentition. 94-75, un accomplissement. La capitale du braquage, featuring le crime, pas de jeu de grattage. On a tout misé dans la rime. D'autres font de la chimie pour en extraire la cocaïne. Pire encore de l'héroïne, de quoi t'exploser les narines. La capitale du braquage, featuring le crime, pas de jeu de grattage. On a tout misé dans la rime. La tentation chez nous, elle porte un uniforme, on l'appelle convoyeur de fond, se déplace dans un camion difforme. L'économie est souterraine, Mago est planqué dans les boîtes. Tu n'es assis que sur tes rêves, posé H24 sur un banc. Troué comme les routes du bled, emprunte une pente descendante. La remontée pour ta descendance, avec un rien on fait un tout. Même des baraques avec la boue, du feu avec une loupe. La tour Eiffel tient qu'à des clous gros. Encore un soir où je frôle la déprime, la rétine imbibée de l'âme. C'est le cinquième plan que je piétine, l'inquiétude. Est un sentiment qui es-tu. Le cul posé entre deux classes, je me demande souvent qui est qui. Perso stick, fallait bien garder séquelles. Heureusement que les échecs ne se ressemblent pas sous les aisselles. Pour faire de moi un homme, j'ai juste additionné mes handicaps. Et là s'il y en a des tas, t'es comme moi dans la capitale. C'est pour mes groupes reconnaissables à la dentition. 94-75, un accomplissement. La capitale du braquage, featuring le crime, pas de jeu de grattage. On a tout misé dans la rime. D'autres font de la chimie pour en extraire la cocaïne. Pire encore de l'héroïne, de quoi t'exploser les narines, hey. La capitale du braquage, featuring le crime, pas de jeu de grattage. On a tout misé dans la rime. C'est pour mes bougres, ouais gros, reconnaissable à la dentition. 9-4.